cheval sur mon destin, au galop sur les chemins. J'ai toujours cherché l'amour, je n'ai jamais voyagé que vers toi, chérie. Mais avant de te trouver, toi la belle dont j'ai rêvé, j'ai fait le tour du monde entier, je n'ai jamais voyagé. J'avais plus soif de vivre, je me noyais dans l'eau de vie. Mais aujourd'hui je m'enivre de l'eau vive de ton amour. Ma vie était peinte en gris, j'avais peur de la folie. J'ai retrouvé la saveur d'une vie tout en couleur. Cheval sur toi, chérie, chaque nuit et chaque jour, au grand galop de l'amour, tout de nos cellules gazouillent. Alléluia. À cheval sur notre étoile, le septième ciel se dévoile, on rêve de notre vie, tout de nos cellules gazouillent. Sur notre destin, au petit trot de la vie, et à mon petit cœur qui bondit quand tu m'appelles chérie. Sans toi la vie ne vaut rien, tu es mon plus précieux bien. Je te chérirai toujours, mon ami, ma chérie. Mon amour.